aussi loin que me rappelle. Toujours mes souvenirs. Mais ouais. P2OP. Ok. Aussi loin que me rappelle, toujours mes souvenirs. Celui que je garderai au plus profond de mon devenir. Dans les bras de mon père, sur ce balcon, à le voir m'embrasser, toujours atteint d'une pleine émotion. 3 ans pourtant et je m'en rappelle comme au premier jour. Moment de complicité et toujours plein d'amour. Me regardant sur ce manège, lui faire signe de la main. Mes larmes en restent encore pleines face à ce destin. Face à ce destin. Face à ce destin. Petit enfant regardant son père plein de fierté, ne sachant pas ce qu'allait être vraiment la réalité. Papa, si tu m'entends, viens à mon secours. Les gens sont si méchants et tout cela sans détour. Je ne garde que l'envie, c'est de te rejoindre pour que ma souffrance puisse enfin s'éteindre. Tu m'avais pourtant prévenu dans mes oreilles d'enfant. Fais attention fils, les gens ne veulent que tes tourments. Je me revois tout seul, assis sur ce tapis. Ma mère entrant dans ma chambre et toute transie. À partir d'aujourd'hui tu ne verras plus ton papa. Comme l'effet d'une bombe dans mon cœur, ça explosa. Je lui dis tu mens, il ne m'aurait pas abandonné. C'est à ce moment-là que le sang dans mes veines a fusionné. Accident de voiture et fracassant sur la route du sud. Détard dans la nuit, pas de pardon sur l'attitude. Et quand je regarde à ce jour l'acte de décès, mes larmes en font encore le chemin d'un procès. À jamais le manque et la vision qui trompe ma tête. Une cicatrice à vie jusqu'à ma mort comme une entête.